La légende dorée par le bienheureux Jacques de Voragine. Traduction par Théodore Deviseva. Ouvrage couronné par l'Académie française. 18. Saint Paul, ermite. 15 janvier. Paul fut le premier ermite, ainsi que l'atteste Saint Jérôme, qui a écrit sa vie. Pour échapper aux persécutions de Decius, il se retira dans un immense désert, et là, au fond d'une caverne, il demeura pendant 60 ans, inconnu aux hommes. Ce Decius se nommait aussi Galien, et avait commencé de régner en l'an 256. Il tourmentait cruellement les chrétiens. Il fit un jour saisir 2 jeunes chrétiens, fit enduire de miel le corps de l'un d'eux, et le fit exposer, sous un soleil torride, aux piqûres des mouches, des abeilles et des guêpes. L'autre jeune homme fut placé sur un lit moelleux, dans un lieu charmant, où l'air était doux, rempli du murmure de l'eau, du chant des oiseaux et du parfum des fleurs. Et ce jeune homme fut lié avec des cordes enguirlandées de fleurs, de façon à ne pouvoir remuer ni les pieds ni les mains. Le méchant empereur fit venir auprès de ce jeune homme certaines femmes aussi impures que belles, qui reçut l'ordre de souiller la chair de ce jeune chrétien, rempli du seul amour de Dieu. Mais celui-ci, dès qu'il sentit dans sa chair des mouvements contraires à la raison, n'ayant point d'armes pour se défendre, coupa sa langue avec ses dents et la cracha au visage de l'impudique, échappant ainsi à la tentation par l'excès de la douleur, et se préparant un trophée à jamais admirable. Effrayé de tels supplices et d'autres encore, saint Paul s'enfuit au désert, et lorsque saint Antoine vint à son tour au désert, s'imaginant être le premier ermite, un songe lui apprit qu'un autre ermite, meilleur que lui, avait droit à son hommage. Aussi, saint Antoine s'efforça-t-il de découvrir cet autre ermite, et comme il le cherchait par les forêts, il rencontra d'abord un centaure, à demi-homme, à demi-cheval, qui lui dit d'aller devant lui. Il rencontra ensuite un animal qui portait des dattes, et qui, par le haut du corps, ressemblait à un homme, avec le ventre et les pieds d'une chèvre. Antoine lui demanda qui il était. Il répondit qu'il était un satyre, c'est-à-dire une de ces créatures que les païens prenaient pour des dieux des bois. Enfin, saint Antoine rencontra un loup qui le conduisit jusqu'à la cellule de saint Paul. Or, celui-ci, pressentant l'arrivée d'un homme, avait fermé sa porte. Mais Antoine le supplia de lui ouvrir, affirmant qu'il mourrait sur place plutôt que de se retirer. Et Paul, vaincu par ses prières, lui ouvrit. Et aussitôt les deux ermites se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Et comme l'heure de midi approchait, un corbeau vint apporter un pain formé de 2 parties. Et comme Antoine s'en étonnait, Paul lui dit que Dieu le nourrissait tous les jours de cette façon. Il avait seulement doublé la ration ce jour-là à cause de la visite d'Antoine. Là-dessus s'engagea une pieuse dispute pour savoir qui des deux serait le plus digne de diviser le pain. Paul voulait que ce fût Antoine, en sa qualité d'hôte. Antoine voulait que ce fût Paul, en sa qualité d'aîné. Enfin, tous deux prirent le pain et le divisèrent en parties égales. Et comme Antoine s'en revenait vers sa cellule, il vit passer au-dessus de lui 2 anges portant l'âme de Paul. Il retourna aussitôt sur ses pas et trouva le corps de Paul agenouillé dans l'attitude de la prière, de telle sorte qu'il crut qu'il était vivant. Le saint, cependant, était mort. Et Antoine s'écria, « Ô âme sainte, ce que tu faisais dans la vie, tu en gardes le signe, jusque dans la mort. » Et pendant qu'il songeait au moyen d'ensevelir Paul, voici qu'arrivèrent 2 lions qui creusèrent une fosse, aidèrent à la sépulture et s'en retournèrent dans leur forêt. Et Antoine prit le manteau de Paul, fait de feuilles de palmier. Il le revêtit, depuis lors, au jour de fête. La mort de Paul eut lieu vers l'an 287.